À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le théâtre dramatique d'État à Pyongyang a monté le 8 juillet le drame révolutionnaire suivant le drapeau de la victoire. Y ont assisté Kim Yong-nam et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées, du cabinet, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux de la ville de Pyongyang, les personnes qui ont eu l'honneur de rencontrer le président et les méritants. Le drame montre les nobles qualités et les exploits du président qui a fait échouer la nouvelle offensive des impérialistes américains par sa stratégie militaire et son art de commandement pendant la dernière guerre de libération de la patrie.